Je vois de loin la beauté d'une femme qui brille comme une flamme. L'amour c'est formidable, ça pense attirer les diables. J'ai pas trouvé l'antidote pour que tu m'adoptes. Dans ton cœur chéri, j'ai plein de mots pour te prouver mes sentiments. Ça c'est pour toi ma mère c'est jolie. Tu prêt à te servir pour subir mes chaque mois. C'est compliqué de kiffer une fille comme ma mère qui fait sexe. Rappelle-toi qu'on s'est vu pour la première fois. C'était du kiki. Toi et moi enlacés, mais nos souvenirs passés. Quand je te regardais, je me demandais à quoi tu pensais. Sans être à tes pensées, je t'ai vu blessé avec mon parcours de salon. Béatrice, c'est l'actrice de ma vie. Comment vous dire que moi je l'aime pour les meilleurs et les pires. De tous arrachidés, mi amor et viens se battre ici. Monte ma mama, il m'appelle l'immoto. Et comme ma lima, il va parler de ma tema. Et sa lina, tu es baba, et tu fais la caille, mon baba. Pisa lina, n'a rien qu'à voir la face. Allez, Rama, Kumba, Bangoni. Ramazani, Roger Bukana, José Lito, King Force. Papi Zola na Château Rouge. Olha!